Activité 21. 1. Combien d'animaux avez-vous? Est-ce que vous avez un chien? Quel est votre animal préféré? 2. Combien d'amis avez-vous? Comment s'appelle votre meilleur ami? Qui est votre meilleur ami? Qu'est-ce que vous faites avec vos amis? 3. Est-ce que vous aimez la plage? Où allez-vous en vacances? Quelle est votre plage préférée? 4. Quel instrument est-ce que vous jouez? Quel type de musique écoutez-vous? Est-ce que vous écoutez la radio? 5. Est-ce que vous avez un stylo bleu? Combien de stylos avez-vous? Où est votre stylo? Comment est-ce que vous écrivez?